Chapitre 21e. C'était une heure décisive. Julien le comprenait parfaitement. De sa résolution, de sa fermeté, de son habileté, dépendait sinon le succès de l'entreprise hasardeuse dans laquelle il s'était lancé malgré tous les avis contraires, du moins sa liberté d'action. Il avait par avance combiné une entrée en matière, pour tous les cas qui pouvaient se présenter, et il croyait les avoir tous prévus, comme si la femme à qui il s'attaquait devait suivre les sentiers battus. Bien résolu à ne pas faiblir, aguerri contre toute surprise, il attendit sans trop d'impatience la sortie des ouvrières, et dès qu'il les vit paraître, il se porta sur leur passage, offrant sa marchandise avec un entrain fort bien joué. Trois ou quatre jeunes filles, plus coquettes ou moins pressées que leurs compagnes, se groupèrent autour de lui, riant et caquetant. C'est tout ce qu'il voulait, tout en dépliant ses foulards et en vantant la solidité du tissu et les beautés des enluminures. Du coin de l'œil, il suivait les mouvements de Madame Ripper. Celle-ci s'était rapprochée au point d'appliquer son visage contre la grille du jardin. Quand le gros des ouvrières eut défilé, « Maria, » appela-t-elle, s'adressant à une des retardataires, « dis au colporteur de venir. » La jeune fille interpellée transmit la commission, puis ses compagnes effarouchées et elles s'éloignèrent en courant, semblable à une volée de perdreaux. Julien, ramassant ses foulards, disait « Voilà, bourgeoise, voilà !» et observant sa démarche lourde et nonchalante, il franchit le trottoir. La porte de la grille s'était ouverte devant lui. Il pénétra dans le jardin. Il était au cœur de la place. Pour dissimuler son émotion, il se mit à faire l'étalage et l'énumération de sa marchandise. « Voyez, madame, j'ai des foulards de tous les modèles. » « Voulez-vous des batailles? Vous faut-il des grands hommes? Si vous aimez mieux les allégories ?» Avec une ardeur fébrile, il dépliait, dépliait, dépliait. Madame Ripper l'arrêta net, disant de sa voix mordante « Monsieur de Mulset, regardez vos mains. Comment voulez-vous que l'on vous prenne pour un colporteur avec ses mains blanches et lisses ?»« Mais, madame, vous êtes un mauvais comédien, mon gentilhomme. » Elle fit volte-face et s'éloigna dans l'allée qui aboutissait directement à la porte de la maison. Julien, d'un brusque mouvement d'épaule, se débarrassa de sa boîte, jeta sur le sol tous ses foulards et suivit Madame Ripper, changeant d'attitude et de ton. « Eh bien oui, j'ai pris un déguisement pour arriver jusqu'à vous. Si j'ai agi ainsi, c'est que vous étiez prévenu de ce que je suis venu tenter, c'est que vous ne m'auriez pas reçu, c'est que vous n'auriez pas voulu m'écouter. » Madame Ripper était sur le seuil de sa maison. Au lieu d'y pénétrer, elle se détourna en faisant tournoyer la longue traîne de sa robe. « Et maintenant ? » interrogea-t-elle. « Maintenant, vous me permettrez de faire appel à votre cœur. Vous vous laisserez fléchir. »« Vous êtes bien téméraire, monsieur de Mulset, et bien imprudent. Savez-vous que je puis vous faire jeter à la porte comme un simple colporteur que vous paraissez être ? » ?»« Je le sais. Mais je sais aussi que vous ne ferez pas cela. Vous êtes femme et vous êtes mère. Femme, j'ai mérité votre courroux. Votre mépris, peut-être. Mère, j'ai droit non à votre reconnaissance, mais à votre attention. Vous n'ignorez pas que pour sauver mademoiselle Mélanie, j'étais pendant 2 mois entre la vie et la mort. Tenez. » Julien, relevant ses cheveux, montrait la trace de sa blessure. Madame Ripper s'était inclinée assez vivement. Le jeune homme s'applaudit en lui-même de son succès et se recueillit un instant. Si Madame Ripper avait fait un mouvement en avant, c'est qu'elle avait entrevu un spectacle bien autrement intéressant pour elle que la cicatrice de M. de Mulset. Un drame se nouait à l'extrémité du jardin. M. Préval, par un effort désespéré, était parvenu à se relever. Après être resté quelques secondes appuyé des deux mains sur les bras du fauteuil pour se maintenir en équilibre, il fit un pas de côté et s'abattit lourdement contre le mur où il s'arc-boutait des mains et de la tête, se raidissant pour ne pas tomber. M. Préval, lui aussi, avait reconnu Julien de Mulset. Ce fantôme d'homme était jaloux. Quand même Julien eût été mieux placé pour observer cette partie du jardin, il n'eût certainement rien vu. Il était trop occupé de son interlocutrice. Il cherchait trop à lire dans ses yeux et sur ses traits l'effet produit par ses paroles. Croyant avoir fait vibrer une corde sensible dans cette âme qu'il supposait plus endurcie, « C'est miracle que mademoiselle Mélanie ne m'ait pas tué, » reprit-il. C'eût été vraiment malheureux, mais vous êtes assez grand garçon, ce me semble, pour vous défendre tout seul. » Julien ne releva pas l'ironie du début et prit texte des derniers mots. « Je ne viens pas me plaindre à vous, croyez-le bien, ni chercher du secours. Je sais que vous n'avez légalement pas d'action sur Mademoiselle Mélanie, mais c'est votre fille, madame. Et quand elle vient à vous, suppliante, repentante, soumise, vous ne la repousserez pas. C'est une grande et belle intelligence. Un instant égarée, affolée plutôt, elle allait aux abîmes. Je l'ai sauvée et je vous la ramène. Quelle chaleur, monsieur, me serais-je trompé? Que voulez-vous dire? Rien. Madame Ripert cacha à moitié sa figure avec les mains dans une attitude méditative. Julien, une fois encore, se réjouit de la tournure que prenait la conversation. Le malheureux. Une fois encore, Madame Ripert prenait son temps pour suivre les péripéties de la lutte que M. Préval soutenait. L'agonisant aurait-il assez de force pour arriver jusqu'à son but? Ou bien s'affaisserait-il à mi-chemin pour ne plus se relever? En ce moment, c'était sa seule préoccupation, ou plutôt sa seule curiosité. Si cette femme eût été accessible au sentiment de la commisération, le moribond l'eût attendrie. Elle lui aurait certainement épargné la douleur poignante de la jalousie. Nullement, c'était pour elle une sensation nouvelle. Elle voulait l'éprouver tout entière. Il était évident que M. Préval se roidissait contre la mort et qu'il aspirait à troubler la conférence de sa maîtresse et de son ancien amant. Cédant de toutes les aspérités du mur, de toutes les branches des arbustes grimpants qui encadraient la façade de la maison de leurs lianes capricieuses, il avançait à pas lents et par saccades tellement douloureuses que, pour avoir parcouru une très faible distance, il suait à grosses gouttes. Sur sa face blafarde, des taches rouges, plaquées aux pommettes saillantes, se détachaient, sinistre prodrome d'une crise imminente, tant il mettait d'ardeur à se rapprocher des interlocuteurs qu'il allongeait vers eux sa tête émaciée, du milieu de laquelle des yeux dévorés par la fièvre lançaient des éclairs de rage, surtout lorsqu'après chaque pénible avancée, il était obligé de suspendre ses mouvements. Madame Ripert, ayant calculé que son hôte pourrait satisfaire sa fureur et sa haine, et aussi qu'elle avait le temps d'en finir avec Julien, prit brusquement une attitude offensive. « Parlons franc, que voulez-vous ? » Julien donna en plein dans le piège. « Je veux, répondit-il, je veux que Mademoiselle Mélanie reprenne sa place auprès de vous et qu'un honnête homme vienne la chercher pour lui donner son nom. » « Et cet honnête homme, le connaîtriez-vous par hasard, monsieur de Mulset ?» Cette fois, il n'y avait pas à s'y méprendre. Madame Ripert avait accentué cette question d'un ricanement méprisant et cynique. Julien fut secoué par un frémissement de honte. Un flux de sang lui monta la tête. Ses jambes se dérobaient. Il sentait peser sur lui le regard implacable de la mère dénaturée qui avait osé calomnier sa fille. Il allait se défendre de l'odieuse accusation portée contre lui. Madame Ripert le prévint. « Vraiment, reprit-elle, vous daignez offrir Mélanie en mariage ?» « Je reconnais bien à ce trait la noble race des Mulset. Quelle grandeur d'âme, quelle abnégation !»« Eh bien, les manants comme vous, monsieur, ont un mot pour caractériser la conduite des gentilshommes tels que vous. Vous avez été lâche, vous êtes infâme. Vous parlez d'honnête homme. Si j'étais assez folle pour croire à votre hypocrite repentir, et si un honnête homme abusé se présentait, son premier soin serait, devrait être, de vous châtier, non avec une épée, mais avec une cravache. » Julien avait repris un peu de sang-froid pendant cette virulente apostrophe. « Madame, dit-il avec beaucoup de calme, Dieu m'est témoin que je me suis dévoué à réparer mes fautes et, il appuya sur le mot, il est vôtre. En mon âme et conscience, je ne croyais pas pouvoir prétendre à la main de mademoiselle votre fille. Votre refus me dégage. Vos outrageantes réticences me tracent mon devoir. Est-ce une menace? Non, mais un avis. Vous oubliez, je crois, qu'il y a un instant vous imploriez la mère. La mère s'est dérobée. » Madame Ripert détourna la tête vers le côté du jardin qui n'avait pas cessé de l'intéresser. M. Préval avait continué de s'approcher. Il atteignait presque la porte. Encore un pas, il pourrait être entière dans la conversation. Madame Ripert entendait distinctement l'essoufflement de sa respiration. Elle pressentait une terrible explosion de fureur. Julien, profitant de cette diversion nouvelle, voulut tenter un dernier effort pour amener le cœur de cette femme. « Si vous vouliez, cependant, reprit-il d'une voix douce et caressante, si vous vouliez, j'oublie vos injures, je comprends votre colère, vous avez pu croire, je vous jure, que Mélanie est digne du plus honnête homme, ma démarche seule vous le prouve, réfléchissez, rappelez-vous, je suis franc, c'est ma seule qualité. » Julien avait des larmes dans la voix. Il plaidait lui-même la cause des droits de la famille et contre lui. Il la plaidait sincèrement, dut-il, en triomphant, perdra jamais Mélanie qu'il aimait. Madame Ripert, par un mouvement à peine sensible, avait repris la position en face de Julien. Celui-ci crut apercevoir sur ses traits une contraction et deviner un combat dans son âme. Il conçut un vague espoir de succès. « Pour vous, pour Mélanie, ajouta-t-il, laissez-vous fléchir. Vous ne répondez pas. Permettez-moi d'espérer. Vous avez consenti à m'écouter. Vous consentirez à... » La parole lui fut coupée par un double incident. Une main s'abattit sur son épaule. Il vit surgir entre son interlocutrice et lui la tête cadavéreuse de M. Préval, et Mme Ripert entra dans sa maison en éclatant de rire.